إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. On commence donc aujourd'hui le cours 13 dans la lecture de l'Aqida de l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani rahimahullah avec les explications de Cheikh Saleh al-Fawzan. Et on est arrivé donc à l'endroit où yani, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani explique ce qui a rapport avec Al-Qadar. On en a parlé hier dans le cours et donc on continue. Donc le Cheikh il dit ta'ala an yakuna fi mulkihi ma la yurid aw yakuna li ahadin anhu ghinan. Donc Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté qu'il y ait quoi que ce soit qui se produise dans son royaume, yani de ce qu'il ne veut pas. C'est-à-dire que Allah soit exalté qu'il y ait dans son royaume quoi que ce soit de ce qu'il ne veut pas. Hein? Et on a expliqué que ça signifie en fait que il n'y a rien qui peut se produire dans l'univers excepté par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala et par sa volonté. Il n'y a rien qui sort de la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on a expliqué que parfois des choses peuvent se produire, Allah subhanahu wa ta'ala peut permettre à certaines choses qu'il n'aime pas de se produire dans un but sage et pour un but qui est bon, hein, un but qui est ultimement bon. Et parfois, on peut arriver à comprendre cette sagesse, et parfois, il se peut qu'on n'arrive pas à saisir cette sagesse. Mais il faut être convaincu et certain que tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et a décrété, que ce soit de bien ou de mal, ou de ce qui nous apparaît de cela comme étant mal, il faut savoir que cela est en réalité pour une grande sagesse et pour un bien. Et ensuite, le Cheikh il dit أو يكون لأحد عنه غنى, c'est-à-dire, yani, que Allah soit exalté, qu'il y ait quiconque ou quoi que ce soit dans l'univers qui pourrait ou qui puisse se passer de lui, hein, qui pourrait yani, se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala et être sans besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est quelque chose d'impossible. Et le Cheikh Al-Fawzan il explique ça en disant لا أحد يستغني عن الله سبحانه وتعالى قال تعالى يا أيها الناس كل الناس حتى الملوك الكبار والأغنياء أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد يعني كلهم فقراء إلى الله كلهم فقراء إلى الله لا أحد يستغني عن الله ولو كان عنده أموال الدنيا فإنه فقير لا يستغني عن الله من الذي يبقي له أمواله من الذي يصح جسمه من الذي يلهمه الاكتساب وجمع الأموال هو الله سبحانه وتعالى فأنتم الفقراء إلى الله من كل وجه والله هو وحده الغني عن خلقه من كل وجه، فهو الغني الحميد المحمود على كل حال سبحانه وتعالى، على أفعاله وعلى أقداره وعلى كل أموره سبحانه وتعالى، كلها محمود عليها، لأنه يضع الأمور في مواضعها. ولو أن الله ما خلق إلا الكفر ما دخل الجنة أحد، فالله خلق الجنة والنار، وخلق الكفر والإيمان، وهذا للنار وهذا للجنة، فمن سلك طريق العمل الصالح دخل الجنة، ومن سلك طريق الكفر والشر دخل النار. ولا يسوي الله بين هذا وهذا. قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il dit, personne ne peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut être yani sans aucun besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans Surat Fatir, le verset 15: Ô vous les hommes, c'est-à-dire tous les êtres humains, sans exception, même les rois, même les grands, même les puissants, même les riches, vous êtes tous des indigents envers Allah. Vous êtes tous des pauvres qui avaient besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le riche, celui qui se suffit à lui-même, et Al-Hamid, celui qui est digne de louange. Donc vous êtes tous, donc tous les êtres humains, et toutes les créatures ont besoin d'Allah et sont pauvres et indigentes vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a personne d'entre les créations, d'entre les créatures, qui peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et même s'ils avaient tout l'argent du monde et l'or du monde et les richesses de ce monde, eh bien ils restent pauvres et indigents, et ils ne peuvent se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui d'entre nous peut prétendre que son argent va le faire durer éternellement? Qui d'entre nous peut prétendre que son corps sera toujours en santé et fort? Qui d'entre nous peut prétendre que yani il peut gagner de l'argent et ramasser des biens sans que Allah subhanahu wa ta'ala lui inspire et lui montre la façon de le faire? C'est certain que c'est Allah subhanahu wa ta'ala lui seul qui inspire et qui dirige les gens vers l'apprentissage de ces connaissances-là et de la compréhension de ces choses-là. Et donc on a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on a besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala sur tous les points de vue et dans tous les points et dans tous les plans. Il n'y a personne qui peut être il n'y a personne qui peut se passer d'Allah subhanahu wa ta'ala en quoi que ce soit. Et donc on a tous besoin d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que lui, Allah subhanahu wa ta'ala, n'a besoin de rien, il n'a besoin de personne, et il est al-ghaniyu an khalqihi min kulli wajh. Donc Allah subhanahu wa ta'ala se passe de sa créature sur tous les plans, il n'a besoin d'eux en aucune chose et en rien et en quoi que ce soit. Yani Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin du tout de sa créature et de ses créations, et il est celui qui se suffit à lui-même, celui qui est digne de louange et qui est glorifié en toute situation et en tous les cas. Il est glorifié dans ses actions, il est glorifié dans sa prédestination, il est glorifié dans sa mesure, il est glorifié dans toutes ses affaires et dans toutes ses choses. Tout ce qu'il fait est louable et glorifié, parce qu'il met les choses à leur place et là où elles méritent d'être. Et si Allah subhanahu wa ta'ala n'avait créé que la mécréance, personne ne serait rentré au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le paradis et l'enfer. Il a créé la mécréance et la foi. Et donc celui-ci, c'est-à-dire le croyant, va rentrer au paradis et celui-ci rentrera en enfer. Celui qui suit la voie des bonnes œuvres entrera au paradis, et celui qui suit la voie de la mécréance et du mal entrera en enfer. Et Allah ne va pas mettre à égalité celui-là ou celui-ci. C'est-à-dire, il ne va pas mettre à égalité celui qui fait le bien et celui qui fait le mal. Et il mentionne justement dans Surat Al-Jathiyah, ce que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ici, ce qui signifie: est-ce que ceux qui ont fait des bonnes œuvres ou est-ce que ceux qui ont fait des, plutôt ceux qui ont fait des péchés, est-ce que ceux qui ont fait des péchés pensent que nous allons les mettre, hein, à égalité avec ceux qui ont cru et qui ont fait des bonnes œuvres dans leur vie et dans leur mort, comme mal, comme ils jugent mal, hein? Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit, est-ce que ceux-là pensent qu'on va mettre à égalité ceux qui font le bien et ceux qui font le mal dans leur vie et dans leur mort, comme ils jugent mal? Et non. Ensuite, l'imam Ibn Abi Zayd al-Qayrawani, il mentionne, il dit, خَالِقًا لِكُلِّ شَيْءٍ أَلَا هُوَ رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ وَالْمُقَدِّرُ لِحَرَكَاتِهِمْ وَأَجَالِهِمْ. Donc, le sheikh, il mentionne ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est créateur de toutes choses. C'est lui qui a tout créé. Et il est le seigneur des serviteurs et le seigneur de leurs œuvres. Et c'est lui qui a prédestiné tous leurs mouvements et leurs termes. Et dans d'autres narrations, Allah subhanahu wa ta'ala, le sheikh il mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui est le créateur de toutes choses, et il n'y a personne qui a tout créé excepté lui, et qu'il est le seigneur de leurs œuvres, hein, qu'il est leur seigneur et le seigneur de leurs œuvres. Donc ça c'est, hein, une autre version, mais c'est la même signification. Ensuite, il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il explique ce passage, il dit, ليس هناك شيء خلقه غير الله فكل ما في هذا الكون الله خالقه. قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. وقال هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. وقال قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا. يعني أثبتوا بدليل على أن هناك شيئا خلقه فلان أو علان وما استطاعوا أن يأتوا بدليل وهذا تحد من الله سبحانه وتعالى يدل على أن هذا الكون من خلق الله سبحانه وتعالى فالله هو الخالق وحده وما سواه فهو مخلوق. قال تعالى إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. Donc le sheikh explique que tout ce qui existe, dans tout ce qui existe, il n'y a rien qui est créé par autre que Allah. Donc tout ce qui est dans cet univers, Allah est son créateur. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 62 dans sourate Az-Zumar, Allah est le créateur de toutes choses et il est garant de toutes choses. Hein? Il est sur toutes choses le garant. Et il mentionne dans sourate Luqman le verset 11, ça, voici la création d'Allah. Alors montrez-moi ce qui a été créé par d'autres que lui. Montrez-moi ce qui a été créé par d'autres que lui. Bien entendu, il n'y a rien qui a été créé par d'autres que lui. Et il mentionne dans le verset 4, dans surat Al-Ahqaf, dit, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah? Montrez-moi ce qu'ils ont créé de la terre. Où ont-ils une part dans les cieux? Montrez-moi un livre avant celui-ci. Hein? C'est-à-dire, essayez de ramener une preuve qui vient confirmer ou prouver qu'il y aurait quelque chose qui aurait été créé par un tel ou un tel parmi les créatures ou parmi les choses qui existent que Allah a créées. Et certes, ils ne peuvent ramener aucune preuve. Et ça, c'est un défi que Allah subhanahu wa ta'ala a lancé aux mushrikines, hein, de ramener quoi que ce soit qui serait ou qui aurait été créé par autre que Allah. Et donc, tout ça, c'est la preuve qu'il n'y a rien qui a été créé dans l'univers excepté que c'est créé par Allah subhanahu wa ta'ala, hein? Puisqu'ils ne peuvent rien ramener dans ce qui a été créé dans l'univers qui serait créé par autre que Allah. Et donc Allah, c'est lui seul le créateur de toutes choses, et tout ce qui existe, hein, en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien c'est une créature d'Allah, il est créé par Allah. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le verset 72, non plutôt 73 dans sourate Al-Hajj, Il dit, et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah n'ont même pas créé une mouche. Hein, ils ne peuvent même pas créer une mouche, même s'ils se réunissaient ensemble pour le faire. Ils pourraient réunir tous les plus grands savants de l'univers, hein, et les scientifiques, et essayer de créer une seule mouche ou un moustique ou quoi que ce soit, et ils ne peuvent pas. Ensuite, le cheikh, il dit, il explique le passage suivant qui mentionne que Allah subhanahu wa ta'ala est le Seigneur des serviteurs et le Seigneur de leurs œuvres. Cheikh Al-Fawzan, il dit, Allahu Rabbul Ibad, wa Malikuhum, wa Al-Mutasarrifu Fihim, wa Murabbihim, wa Mughazzihim, bi Ni'amihi Subhanahu wa Ta'ala, wa Huwa Alladhi Yurabbihim Bil-Wahyi. ويربيهم بالرزق لأبدانهم ويربيهم بالوحي لقلوبهم فهو يربي العباد وهو أيضا رب أعمال العباد قال تعالى والله خلقكم وما تعملون فهو خلقكم وخلق ما تعملون لا أحد يستقل بفعله ويخلق من دون الله بل الله هو الذي يخلق سبحانه وتعالى والمخلوق لا يخلق فعل نفسه. Donc le cheikh, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le seigneur des serviteurs et c'est le maître des serviteurs, celui qui dirige et qui gère leurs choses et leurs affaires, et c'est lui qui les élève et qui les fait grandir et qui les fait se développer et qui les nourrit de ses grâces, et c'est lui qui les élève par la révélation également. Donc il les élève, il élève leur corps et fait grandir leur corps par la subsistance, et également ils élèvent leurs âmes par la révélation. Ils élèvent leur cœur par la révélation. Alors il est celui qui fait grandir et qui élève les serviteurs. Et donc il est également le Seigneur des actions des serviteurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est lui qui vous a créé et ce que vous faites. C'est-à-dire, il vous a créé vous et ce que vous faites. Donc il a créé nos œuvres également. Il a créé les hommes et il a créé les actions des hommes. Et donc personne n'est indépendant d'Allah subhanahu wa ta'ala par ses œuvres. Allah subhanahu wa ta'ala a tout créé. Il n'y a rien qui est créé en dehors de lui. C'est-à-dire, il n'y a rien qui peut être créé par autre que lui. Tout est créé par Allah seul, subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a créé, et tout ce qui existe en dehors de lui, c'est sa création. Et les créatures ne créent pas eux-mêmes leurs propres actions. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui crée leurs actions. Bien entendu, les actions qu'on fait, ce sont nos actions. Et c'est nous qui les faisons. Mais qui les a créées, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour comprendre la distinction entre les deux, eh bien, un exemple de ça, c'est que c'est, par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a créés, qui a créé nos actions. Et par exemple, parmi les actions qu'on fait, il y a l'acte de manger. Eh bien, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé cette action-là. Mais est-ce que c'est lui qui mange? Bien sûr que non. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala ne mange pas. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Wa huwa yut'imu wa la yut'am. » C'est lui qui nourrit, il n'est pas nourri. Hein? Donc, il faut comprendre la différence entre le fait de créer l'action et entre le fait de faire l'action. Celui qui crée l'action, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, et celui qui fait l'action, c'est nous-mêmes. Hein? Donc il faut distinguer entre ces deux choses. Ensuite, le cheikh, il dit, al-ba'ithu الرسل إليهم لإقامة الحجة عليهم ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh, il explique ensuite, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur a envoyé les messagers, c'est-à-dire qui a envoyé aux êtres humains les messagers et les hommes, et c'est dans le but d'établir la preuve contre eux, la preuve de la révélation, la preuve de l'objet et du but de notre création, par les messagers et les livres qu'ils ont amenés. Et ensuite il dit, ثُمَّ خَلَقَ الرِّسَالَةَ. ثم ختم الرسالة والنظارة والنبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيه صلى الله عليه وسلم. Ensuite il a scellé, c'est-à-dire il a fait en sorte que soit terminé et scellé le message et l'avertissement et la prophétie par son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh explique ce passage, ces deux passages. Premièrement, il dit من رحمته سبحانه وتعالى بعباده أنه لم يكلهم في دينهم لأنفسهم يختارون ما يرون أنه خير ولا وقد لا يكون خيرا لقصورهم وقصور علمهم وإدراكهم فالله جل وعلا لم يكلهم إلى عقولهم وإنما أرسل رسله وأنزل كتبه ليبين للناس العبادة التي يريدها منهم وطريق الخير وطريق الشر هداية لهم وإقامة للحجة عليهم فالمؤمن ينتفع بما أنزله الله والكافر تكون الرسل والكتب حجة عليه فالله لم يترك العباد هملا ولا سدى وإنما أرسل إليهم رسله وأنزل عليهم كتبه ولم يكلهم إلى اختيارهم وعقولهم وتفكيرهم. Donc le cheikh il dit, parmi les exemples de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala pour ses serviteurs, c'est qu'il ne les a pas laissés à eux-mêmes dans leur religion. Il ne les a pas laissés à eux-mêmes en essayant de les laisser choisir pour eux-mêmes ce qu'ils considèrent ou ce qu'ils pensent être bon, alors que ça, c'est possible que ce ne soit pas réellement bon à cause de yani, leur compréhension et de leur connaissance qui est limitée. Alors Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas abandonnés à eux-mêmes et à leur raison, mais il leur a envoyé des messagers, il leur a fait descendre des livres pour clarifier aux hommes l'adoration que Allah veut de leur part et pour leur clarifier le chemin du bien et le chemin du mal pour les guider et également pour établir la preuve contre eux. Et donc le mu'min, le croyant, il profite de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre, tandis que le mécréant, le kafir, eh bien tous ces messagers et ces livres sont en réalité des preuves contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas abandonné les serviteurs, il ne les a pas délaissés pour rien, sans but et sans ordre et sans obligation et sans interdiction à respecter, mais il leur a plutôt envoyé des messagers, il leur a fait descendre des livres et il ne les a pas abandonnés à eux-mêmes et les laissés essayer de choisir par eux-mêmes, par leur raison ou par leur pensée, ce qui est bien ou mal, ce qui est droit ou ce qui est égarement. Il les a orientés par la révélation. Ensuite, le cheikh il dit, et les messagers, les premiers d'entre eux, Rasul awwaluhum Nuh. Le premier d'entre les messagers, c'est Noé, Nuh alayhi salam. قال تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. Donc, c'est-à-dire que Noé, c'est le premier des messagers. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie dans le verset 163 dans sourate An-Nisa, nous t'avons révélé à toi, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes après lui. Nous t'avons révélé à toi, ô Muhammad, comme nous avons révélé à Noé et aux prophètes qui sont venus après lui. Donc le cheikh il utilise ce verset pour prouver que le premier des messagers c'est Nuh alayhi salam. Amma al-anbiya fa min qabl Nuh alayhi salatu was salam, yani Adam nabi wa Idris wa amma ar-rusul fa inna awwalahum Nuh alayhi salam. وختامهم محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين فلا يأتي بعده نبي. قال الله سبحانه وتعالى وقال قال صلى الله عليه وسلم وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. Donc le cheikh explique que ensuite, donc après Nuh alayhi salam, il y a les prophètes. Avant lui, hein, il y avait le prophète Adam et Idris, et après, hein, il y a eu d'autres prophètes, mais le premier des messagers, c'était Nuh alayhi salam. Et le dernier des messagers, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 40 dans sourate Al-Ahzab, il n'a pas, yani, Muhammad n'est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, celui qui vient sceller la prophétie. Ensuite il dit donc qu'il n'y aura pas de prophète après lui, c'est-à-dire après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y aura plus d'autres prophètes. Et il dit sallallahu alayhi wa sallam, et je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Et je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. فَهُوَ نَبِيٌ آخَرٌ فَهُوَ نَبِيٌ آخِرِ الْخَلْقِ إِلَا أَن تَقُومُ السَّاعَةِ. Et donc le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le prophète des dernières créatures de la fin de la création jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement dernier. وبعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا حاجة بالناس إلى بعثة نبي بعده لأنه صلى الله عليه وسلم جاء بما يغني الناس إلى أن تقوم الساعة فالقرآن صالح لكل زمان ومكان فالشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان فمن اعتقد أنه يبعث نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدق الكذبة المتنبئين فهو كافر. ولهذا لما ادعى النبوة أحمد القدياني ففي هذا الزمن حكم المسلمون عليه بالإجماع أنه كافر وعلى أتباعه بأنهم كفرة عملا بقوله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي وليست الخليقة بحاجة إلى نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولا إلى كتاب بعد القرآن. فمن أصول العقيدة اعتقاد أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وأن من ادعى النبوة بعده فهو كافر وكذاب. Donc le cheikh explique que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le dernier des messagers jusqu'à ce que vienne l'heure du jugement. Il n'y a pas d'autres messagers envoyés ou prophètes envoyés après lui. Et de toute façon, les hommes n'ont aucun besoin de prophètes jusqu'à la fin des temps. Ils n'ont pas besoin qu'un autre prophète vienne après lui. Parce que il y a dans ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a apporté ce qui complète la religion et ce qui est suffisant pour eux dans toutes les affaires de leur vie jusqu'au jour de la résurrection, jusqu'au jour de l'heure. Donc le Coran, il est valable et applicable à toute époque et en tout lieu. De même que la charia de l'islam, elle est valable et applicable à toute époque et en tout lieu. Et donc celui qui croit qu'il y aura un autre prophète que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui doit venir, alors c'est un kafir. Et celui qui a cru en ce faux prophète parmi les menteurs, et les gens qui se prétendent prophètes après le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, toute personne qui a cru en ce faux prophète est un kafir aussi, est un mécréant. Et c'est pour cette raison que celui qui a prétendu à la prophétie, parmi les mécréants de notre époque, il y a Ahmad al-Qadiani, hein, celui qui a fondé la secte qu'on appelle les Ahmadiyya, ou bien les Qadianiyya. Eh bien, le cheikh explique que tous les musulmans dans le monde entier ont jugé à propos de cet homme et de sa secte et de ceux qui la suivent que ce sont des kuffars. Il n'y a aucun désaccord entre eux à ce sujet. Tous les musulmans sur la terre se sont mis d'accord pour dire que Ahmad al-Qadiani est un kafir, est un mécréant. Et tous ceux qui le suivent sont des kuffars. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Hein? Et donc, on voit qu'en Occident maintenant, les kuffars leur donnent le vent dans les voiles. Hein? Ils ouvrent des mosquées, ils s'installent, ils ont des centres. Et même ici à Montréal maintenant, dernièrement sur le boulevard Saint-Michel, ils ont ouvert leur mosquée, pas loin du boulevard Sauvé et Saint-Michel, et ils propagent leur kufr et leur égarement dans ce quartier et ailleurs. Et donc, c'est des gens qui croient en Ghulam Ahmed et qui rejettent la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qui rejettent plusieurs des règles de l'islam. Donc ce sont des gens de l'égarement et des kuffars. Ils n'ont rien à voir avec l'islam. Et donc le cheikh, il explique ensuite que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, hein, et c'est pour ça qu'ils ont déclaré Ghulam Ahmed et ceux qui le suivent comme étant des kuffars, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit ce qui signifie: et Muhammad est le père d'aucun d'entre vos hommes, mais il est le messager d'Allah et le dernier des prophètes. Et il a dit dans un hadith authentique rapporté par l'imam Abu Daoud qu'il y allait avoir dans ma umma, il a dit il va y avoir dans ma umma jusqu'à 30 faux prophètes, et chacun d'entre eux prétend être un prophète. Donc il y aura dans ma umma 30 menteurs, 30 grands menteurs, chacun d'entre eux prétend être un prophète, mais je suis le dernier des prophètes, il n'y a pas de prophète après moi. Hein? Donc ça, c'est un hadith clair à ce sujet-là. Et le cheikh explique, cheikh Al-Fawzan, il mentionne par la suite, il dit, et de toute façon, la création n'a nullement besoin d'un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ni d'un livre après le Coran, parce que parmi les fondements de la croyance de l'islam, il faut croire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des messagers, des prophètes. Et quiconque prétend être un prophète après lui, alors c'est un mécréant, un kafir et un menteur, un kazzab. Ensuite, l'imam Ibn Abi Zaydin al-Qayrawani, il mentionne, il dit, فَجَعَلَهُ آخِرَ الْمُرْسَلِينَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ كِتَابَهُ الْحَكِيمُ وَشَرَحَ بِهِ دِينَهُ الْقَوِيمُ وَهَدَى بِهِ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. Donc le cheikh, il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a fait de lui le dernier des prophètes, plutôt le dernier des messagers, qui est envoyé comme annonciateur de bonnes nouvelles et comme avertisseur d'un châtiment, et qui appelle à Allah subhanahu wa ta'ala par sa permission et une lanterne qui illumine. Et Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sur lui le livre sage, et il a fait en sorte que par lui soit expliquée la religion de la droiture, et il a guidé les hommes vers le droit chemin. Et également, il faut croire que l'heure du jugement dernier arrivera et qu'il n'y a pas de doute à son sujet. Donc le cheikh Al-Fawzan, il explique ces passages ou ces différents énoncés, et il dit, yani, premièrement, bashiran li ahli al-khayr wa nadhiran li ahli al-shar, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala a fait du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam un messager qui est avertisseur pour les gens, c'est-à-dire annonciateur d'une bonne nouvelle pour les gens du bien et avertisseur d'un châtiment pour les gens du mal. Et il dit ensuite وَدَعِيًا إِلَّ اللَّهِ بِإِذْنِهِ, c'est-à-dire que دَعِيًا إِلَى شَرْعِهِ وَإِلَى دِينِهِ وَتَوْحِيدِهِ, c'est-à-dire que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a appelé à Allah, c'est-à-dire il a appelé à sa législation et à sa religion et à son unicité. وَسِرَاجًا مُنِيرًا, يعني سِرَاجًا يعني يُخْرِجُ اللَّهُ بِهِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمُنِيرًا لِلْكَوْنِ بِنُورِ الْإِيمَانِ وَالْهِدَايَةِ وَالْوَحِي, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam une lanterne par laquelle il fait sortir les hommes des ténèbres vers la lumière, et il dit muniran, c'est-à-dire qui éclaire et qui illumine l'univers par la lumière de la foi, de la guidance et de la révélation. Wa anzala alayhi al-Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre sur lui le Coran, alladhi huwa a'zamu al-kitab aw a'zam al-kutub wa huwa al-muhaymin 'ala al-kutub kulliha, et également c'est le plus grand de tous les livres et c'est le livre qui a le dessus et qui vient abroger tous les livres précédents. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلق من خلفه تنزيل من حكيم حميد وهو الباقي إلى أن يرفع أن يرفع في آخر الزمان قبيل قيام الساعة. Donc le cheikh il dit que aucune fausseté ne peut l'approcher ni par devant ni par derrière, et c'est une révélation d'un sage digne de louange, et c'est lui, ce livre il va rester jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala le ramène vers lui, il l'élève à la fin des temps, juste avant la venue de l'heure du jugement dernier. Allah subhanahu wa ta'ala va reprendre le Coran à la fin des temps, et donc il ne restera plus une seule lettre du Coran dans les livres, dans les masahif et également dans les poitrines des hommes. Il va faire remonter vers lui son livre, et c'est là que le jugement dernier va être établi. Il dit ensuite le cheikh وَهَذَا الْكِتَابَ الْحَكِيمِ شَرَحَ اللَّهُ بِهِ دِينَهُ, donc Allah subhanahu wa ta'ala a expliqué sa religion par ce livre. فَهُوَ الَّذِي بين الدين, قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين, فالكتاب تبيانا لكل شيء مما يحتاجه الناس إلى أن تقوم الساعة, فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن, فلا تنزل منزل نازلة أو فلا تنزل نازلة إلا وفي القرآن ما يبين حكمها لمن عنده علم وبصيرة, قال تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا, والسنة مبينة ومفسرة للقرآن وموضحة له, قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Donc le cheikh explique que ce livre est un livre sage par lequel Allah subhanahu wa ta'ala explique sa religion, et il dit c'est lui donc qui a clarifié le livre et qui a clarifié la religion par ce livre. Il dit dans le verset 89 dans sourate An-Nahl, il nous avons fait descendre sur toi le livre comme clarification de toutes choses et comme une guidance et une miséricorde et une bonne annonce pour les croyants, pour les musulmans. Une bonne annonce pour les musulmans. Il dit, il n'y a pas donc, ce livre, il est venu pour expliquer toutes choses. Et donc, ça fait partie de ce que les hommes ont besoin de posséder et de suivre jusqu'à l'heure du jugement dernier. Donc, il n'y a pas un malheur qui descend ou une situation compliquée ou difficile qui arrive sur les hommes, excepté que son verdict est clarifié dans le Coran, pour celui qui a de la science et de la compréhension de ce qui est dans le Coran. Et la Sunna, eh bien, elle vient clarifier le Coran et expliquer le Coran et le rendre clair. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 44 dans sourate An-Nahl, et nous avons fait descendre sur toi le rappel pour que tu clarifies aux hommes ce qui leur a été révélé, ce qui a été révélé sur eux, et pour qu'ils puissent réfléchir. Et donc le rappel dans ce verset, c'est le Coran, c'est la Sunna. Nous avons fait descendre sur toi le rappel. Le rappel, c'est pas seulement le Coran, mais c'est également, bien entendu, la Sunna, pour que Allah, pour que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, puisse clarifier aux hommes ce qui leur a été révélé. Et la Sunna, on dit que la Sunna est l'explication du Coran. Ensuite, il explique, il dit, وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا. C'est-à-dire que l'heure du jugement dernier, elle s'en vient. Et il n'y a pas de doute à ce sujet. Et il explique, il dit, وَمِنْ أُصُولِ الْإِيمَانِ الْإِيمَانُ بِالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَنْ أَنْكَرَهُ فَهُوَ كَافِرُ وَقَدْ أَنْكَرَهُ الْمُشْرِكُونَ فَصَارَ هَذَا زِيَادَةٌ فِي كُفْرِهِمْ وَذَلِكَ وَكَذَلِكَ مَنْ كَانَ يَدَّعِ الْإِسْلَامِ وَهُوَ يُنْكِرُ الْبَعْثِ فَإِنَّهُ كَافِرُ لِأَنَّهُ مُكَذِّبٌ لِلَّهِ ولرسوله والإجماع وإجماع المسلمين ومنكر لأصل من أصول الإيمان والمراد باليوم الآخر اليوم الذي بعد الدنيا فالدنيا هي اليوم الأول ويوم القيامة هو اليوم الآخر فلا بد من الإيمان به والاستعداد له فلا يكفي الإنسان أن يؤمن به بل لا بد من الاستعداد له بالأعمال الصالحة والتوبة من الأعمال السيئة حتى يفوزها في هذا اليوم واليوم الآخر يعتبر عنه بالساعة أو يعبر عنه بالساعة كما جاء في القرآن يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله فالساعة المراد بها اليوم الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة قال تعالى وما أمر الساعة إلا كلمح البصر وما أمرنا je pense que le verset ici, il y a une erreur, je crois, dedans. C'est dans Surat Al-Qamar, le verset 77. Ah non, c'est le verset 77 dans Surat Al-Nahl. Donc c'est un autre verset, je me suis mélangé. Donc il n'y a pas d'erreur dans le verset, c'est seulement un verset qui est semblable. Mais qui est différent, c'est un verset qui ressemble à un autre, donc je me suis confondu. Verset 77, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. نعم. يقول للشيء كن فيكون وهذه الساعة وهذا الوقت الذي تنتهي به الدنيا وتبدأ به الآخرة لا يعلمه إلا الله وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تقوم الساعة في يوم الجمعة وقال تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها. فعلامات الساعة على ثلاثة أقسام. Donc le cheikh il explique, il dit que parmi les fondements de la foi, il y a également la foi en le jour dernier. Et quiconque renie la foi en le jour dernier, alors c'est un mécréant, c'est un kafir. Parce qu'il a, il dit, parce qu'il a renié un des fondements de la foi. Et les mushrikoun, les idolâtres, ceux qui associent avec Allah dans l'adoration, beaucoup d'entre eux avaient renié la foi en le jour dernier. Et donc, l'élément de la foi en le jour dernier a été quelque chose qui est venu rajouter à leur mécréance. Hein? De même que il y en a parmi les gens qui prétendent croire en l'islam et ils rejettent la foi en la résurrection. Donc si c'est le cas, alors c'est un kafir. Hein? C'est un kafir. Et il dit, parce qu'il a renié ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et ce qui vient de son messager sallallahu alayhi wa sallam, et il a renié également le consensus des musulmans. Et il dit le cheikh donc que cette personne-là qui renie un des fondements parmi les fondements de la foi, eh bien il est kafir. Et qu'est-ce qu'on veut dire par le jour dernier? On veut dire le jour qui vient après cette vie d'ici-bas. Parce que la vie d'ici-bas c'est comme si c'était le jour premier. Et le jour de la résurrection c'est le jour dernier. Parce qu'après ce jour-là il n'y a plus de jour. Et il faut donc être croyant, hein, avant ce jour dernier, et se préparer pour le jour dernier. Et donc c'est pas suffisant juste de croire qu'il y aura ce jour dernier, mais bien entendu il faut s'y préparer en faisant des bonnes œuvres et en se repentant de nos péchés pour qu'on puisse avoir le succès, hein, ce jour-là. Et le jour dernier on l'exprime par le terme de l'heure. On l'appelle l'heure. Hein? As-sa'a en arabe. Comme c'est mentionné dans Surat al-Ahzab, le verset 63, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit, les hommes te demandent au sujet de l'heure. Dit, sa connaissance est uniquement auprès d'Allah. Donc l'heure, qu'est-ce qu'on veut dire par l'heure? On veut dire le jour dans lequel cette vie d'ici-bas va terminer. Et que ce sera le début de l'au-delà. C'est ça ce qu'on veut dire. Le début de l'au-delà. Et il dit ensuite, en citant le verset 77 dans Surat al-Nahl, hein, et l'affaire de l'heure, c'est comme un clignement de l'œil, ou plus proche encore. C'est comme un clignement de l'œil, ou plus proche encore. Et Allah subhanahu wa ta'ala est certes tout puissant. Il a certes le pouvoir sur toute chose. Il dit à une chose, soit, et elle est. Et donc, cette heure du jugement dernier, hein, c'est l'heure dans laquelle cette vie d'ici-bas se termine et la vie de l'au-delà commence. Et personne ne connaît sa venue ou l'heure de sa venue excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a été rapporté de manière authentique par l'imam Muslim de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hein, que l'heure du jugement dernier va venir un vendredi, hein, et Yawm al-Jumu'ah. Et Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset 18 dans sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. C'est-à-dire, est-ce qu'ils attendent autre chose que l'heure du jugement leur vienne de manière, hein, subite, hein, par surprise? Et certes, ces signes sont venus. C'est-à-dire, ashrat, c'est le pluriel de shart qui signifie alama ou bien alamat, c'est-à-dire les signes. Et il y a trois catégories de signes. Alamatun yasira, علامات متوسطة وعلامات كبيرة. C'est-à-dire les signes qui sont petits, les signes qui sont moyens et les signes qui sont grands. Donc ça, c'est les trois catégories de signes du jugement dernier. Et le cheikh, il les énumère ici. Donc il dit وهذه العلامات منها ما حصل ومن ذلك بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه نبي الساعة قال بعثت والساعة كهاتين وأشار بإصبعه السبابة والوسطى وعلامات متوسطة وحصل منها ما حصل ويحصل ما بقي وبقيت علامة الكبرى بقيت العلامات الكبرى التي إذا بدأ أولها تتابعت وهي خروج الشمس من مغربها وخروج الدابة التي تكتب على جباه الناس كافرا أو مؤمنا وهذه دابة تخرج لا تترك أحدا إلا جعلت عليه علامة من الكفار أو من المسلمين فيصبح الناس ينادون يا كافر يا مسلم ومنها خروج يأجوج ومأجوج وهم قوم من بني آدم لا يكادون يفقهون قولا ويفسدون في الأرض وقد طلب الناس من ذي القرنين أن يجعل بينهم وبين الناس سدا فقام ذو القرنين بما أعطاه الله من القوة والإمكانيات فبنى السد الذي لم يستطيعوا أن ينقبوه ولم يستطيعوا أن يظهروا عليه فحال بينهم وبين الناس إلى أجل محدود ثم يندك هذا السد فيخرج يأجوج ومأجوج على الناس ويحصل منها ما يحصل قال هذا رحمة من ربي يعني هذا السد فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض حتى يهلكهم الله عن آخرهم ويسلم المسلمون من شرهم كما جاء في الأحاديث. Donc le cheikh il mentionne que parmi ces signes il y en a qui sont des signes petits et qui se sont produits, et parmi les signes il y a la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est un signe du jugement dernier parce que c'est le prophète de l'heure, hein, qui vient avant l'heure du jugement dernier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, j'ai été envoyé ainsi que l'heure ou par rapport à l'heure comme ses deux doigts. Et il a montré As-Sabbab wal-Wusta, c'est-à-dire l'index et le majeur. Et en voulant dire j'ai été envoyé moi par rapport à l'heure du jugement dernier comme ses deux doigts, et pour dire que la différence ou l'écart qu'il y a entre ces deux doigts là c'est l'écart de ce qui reste par rapport au jugement dernier, hein? Si tu regardes le majeur, on va dire que ça c'est le majeur, c'est tout ce qui a par rapport au temps depuis la création des cieux et de la terre jusqu'à la venue du jugement dernier. Et puis l'index, c'est la même chose, du début de la création de l'univers et jusqu'à la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et l'écart qu'il y a entre le majeur et l'index, c'est ce qui reste avant la venue de l'heure du jugement dernier. Donc c'est pour dire que il reste très peu de temps entre les deux, hein? Entre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et l'heure du jugement dernier. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un signe de la venue de l'heure du jugement. Ensuite il dit également qu'il y a d'autres signes qui sont des signes moyens. Parmi ces signes moyens, il y en a qui se sont produits et d'autres qui ne se sont pas encore produits. Et il reste ensuite les grands signes. Et une fois que le premier d'entre ces grands signes-là arrive, eh bien les autres vont se suivre les uns après les autres, et ils se chevauchent, hein, ils se chevauchent, c'est-à-dire qu'ils viennent les uns avec les autres. Beaucoup d'entre eux sont collés ou même en même temps. Et il donne parmi les exemples des grands signes du jugement dernier, comme c'est rapporté dans Al-Bukhari, le soleil qui se lève à l'ouest. Hein? Le soleil qui se lève à l'ouest. De même que la sortie d'une bête qui va parler et qui va écrire sur le front des hommes kafir ou mu'min, c'est-à-dire qui va inscrire sur le front des hommes qui est croyant et qui est mécréant. Et donc, à partir de ce moment-là, les hommes vont s'appeler par ces noms-là. Les gens vont se connaître. Et celui qui a été marqué kafir, on va l'appeler kafir. Et celui qui a été marqué muslim, il va être appelé muslim. Hein? Ensuite, il y aura la sortie de al-Ya'juj wa Ma'juj. La sortie de la bête, c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Hein? Et la sortie de Ya'juj et Ma'juj, hein? Gog et Magog, ça c'est dans le Sahih de l'imam Muslim, et c'est un peuple parmi les fils d'Adam, et ils ne peuvent comprendre aucune parole, ou presque, et ils font du désordre sur la terre. Et les hommes avaient demandé à Zulqarnayn de créer une barrière entre eux et les hommes. Et Zulqarnayn a bâti cette barrière parce que Allah lui a donné comme force et comme moyen. Alors il a construit une barrière ou un barrage qu'il n'était pas capable de briser ou de faire un trou dedans, et il n'était pas capable non plus de passer par-dessus. Et donc cette barrière ou ce barrage était un empêchement, hein, pour le Gog et Magog de traverser, et protégeait les hommes. Mais cette protection ou cette barrière, elle a une durée limitée, puisque à la fin des temps cette barrière sera brisée, et c'est à ce moment que Ya'juj et Ma'juj va sortir contre les hommes, et qu'il va se produire ce qui va se produire à ce moment-là. Et on voit dans Sourate Al-Kahf, les versets 98 et 99, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ce qui signifie, et ceci est une miséricorde de mon Seigneur, c'est-à-dire ce barrage. Et lorsque vient la promesse de mon Seigneur, il la pulvérise. Hein? Il va détruire ce barrage, et la promesse de mon Seigneur est véridique. Et on les laissera ce jour-là, les uns, arriver les uns, envahir les autres, ou bien, couler sur les autres, comme une vague. Et comme c'est mentionné dans Sourate Al-Kahf, les versets 98 et 99. وَتَرَكْنَا يَوْمَ إِذٍ بَعْدُهُمْ وَتَرَكْنَا يَوْمَ بَعْدُهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ. C'est-à-dire, nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. Ça, c'est à la fin des temps. Et il dit donc, jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala les fasse périr jusqu'au dernier, et que les musulmans soient épargnés de leur mal, comme c'est mentionné dans les hadiths. Allah subhanahu wa ta'ala va faire venir une genre de maladie ou quelque chose qui va complètement les envahir, hein, et les manger. Puis ensuite il va faire venir des oiseaux qui va se débarrasser de leur dépouille. Si je me souviens bien, qu'est-ce qui est mentionné à ce sujet dans les hadiths, c'est ça. Ensuite le cheikh il dit, وَمِنَ الْعَلَمَاتِ الْكُبْرَى ظهور المهدي وهو من نسل الحسن بن علي رضي الله عنهما يظهر في وقت خلاف ثم يبايعه الناس ويسير بالناس سيرة حسنة ويملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا ويجاهد في سبيل الله ثم ينزل المسيح ينزل المسيح الدجال في آخر عهد المهدي وهو فتنة الكبرى وهو الفتنة الكبرى والمصيبة العظمى ثم ينزل المسيح ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال ويستريح المسلمون من شره ثم يظهر يأجوج ومأجوج فهذه العلامات الكبرى المتلاحقة ثم يقبض الله أرواح أهل الإيمان ثم لا يبقى إلا الأشرار ولا يبقى من يقول الله الله ثم تقوم عليهم الساعة والعياذ بالله. قال صلى الله عليه وسلم من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. Donc le cheikh il dit ensuite, parmi les grands signes il y a également l'apparition du Mahdi, et ça c'est rapporté par l'imam Abu Daoud, et il fait partie de la descendance de Al-Hassan, le fils de Ali radiallahu anhuma, et il apparaît à une époque de divergence et de division, puis les hommes vont lui faire allégeance et il va les diriger d'une bonne manière. Il va remplir la terre de justice comme elle avait été remplie d'injustice, et il va lutter dans le sentier d'Allah. Et puis c'est à ce moment là que Isa ibn Maryam, ou plutôt ici il dit le Messie Dajjal, c'est à dire le faux Messie, va apparaître à la fin du règne de Al-Mahdi. Et c'est une grande fitna, c'est la plus grande fitna de la Ummah et le plus grand malheur pour la Ummah, c'est-à-dire le Messie Dajjal, le faux Messie. Ensuite, Isa ibn Maryam al-Masih va descendre et va tuer le Dajjal, va tuer le faux Messie, ou celui que les chrétiens appellent l'Antéchrist. Il va descendre, Isa va descendre et il va tuer le Dajjal. Et les musulmans vont être par la suite épargnés et reposés de son mal. Puis ensuite, Ya'juj et Ma'juj vont sortir. Et donc tout ça fait partie des grands signes qui se touchent et qui arrivent les uns après les autres. Puis Allah subhanahu wa ta'ala va prendre les âmes des gens de la foi. Et il ne restera que les mauvais. Il ne restera que ceux qui disent Allah, Allah. C'est-à-dire qui se rappellent d'Allah et qui mentionnent le nom d'Allah. Et puis, juste en passant, il y a des soufis qui ont essayé de mentionner comme preuve pour leur bid'a, le dhikr qu'ils font en mentionnant le nom d'Allah comme ça, quand ils s'assoient en cercle ou en groupe et qu'ils disent Allah, Allah, Allah. Ils pensent que ça c'est un dhikr, alors que c'est une de leurs bid'a. Eh bien, certains ont dit, ce hadith-là c'est une preuve pour qu'est-ce qu'ils font. Alors, ils ont posé la question à Cheikh Al-Fawzan, de dire, Cheikh, il y a des gens qui disent, parmi les soufiyins, que le fait qu'au jugement dernier, il y a des gens qui vont dire seulement Allah, Allah. Donc, en voulant dire ça, c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils font, c'est correct. Et le Cheikh a dit, dans ce cas-là, qu'ils attendent jusqu'au jugement dernier, pour commencer à dire Allah, Allah. Et ça, c'est une preuve que c'est des gens mauvais, puisque ils ne feront plus que dire cela. Et non seulement que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, wal'ayadu billah, les pires des hommes, ce sont ceux qui vont être attrapés par l'heure, alors qu'ils sont vivants. C'est-à-dire qu'ils vont être attrapés par l'heure du jugement dernier, alors qu'ils sont vivants. Donc ces gens-là, ce ne sont pas des gens du bien, ce sont des gens, parmi les pires créatures, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min sharr al-nas, min shirar al-nas, Allah al-musta'an. Donc tu vois comment parfois les gens de bid'a, parmi les soufis et autres, ils essaient d'utiliser des hadiths qui n'ont aucun rapport pour essayer de justifier leurs égarements, et puis à la fin tu réalises que c'est quelque chose qui est non pas en leur faveur mais qui est contre eux en réalité.